Chapitre 2e. Angoisse de mère. Robert venait tous les soirs à impasse Ganneron. Sa malade, Madame Ménardier, semblait, depuis qu'il la soignait, aller beaucoup mieux. « Ah, docteur, lui dit-elle un soir en lui tendant sa main diaphane, amaigrie épouvantablement, je crois que vous avez amené avec vous le bonheur dans notre pauvre maison. Comment cela, madame ? D'abord, vous faites par votre service, votre dévouement, ce miracle de prolonger ma vie. Puis voici que Rirette, ma jolie Riri, a été prise en amitié par une cliente de la maison où elle travaille, et dont le mari, le parent, je crois, est en relation d'affaires avec votre frère l'avocat. C'est heureux, en effet. Cette dame, qui a un cœur excellent, a eu le courage de venir dans cette maison et de monter jusqu'à notre pauvre logis. Elle s'appelle, autant que je puisse m'en souvenir, Madame Laurent. Madame Laurent, fit Robert tressaillant. Il savait que le nom de Laurent avait été donné avec celui du comte de la Guérinière, parmi les derniers visiteurs de son père, le jour de l'assassinat. Pourquoi cette Madame Laurent venait-elle chez Madame Ménardier, que lui, Robert Montreuil, soignait? Dans quel but se faisait-elle ainsi l'amie de Riri? Qu'est-ce que cela cachait? Robert se proposa de soumettre le cas à Paulin Broquet, car il était fortement intrigué. Madame Ménardier, qui ne se doutait pas le moins du monde, du trouble que ses paroles jetaient dans l'âme du médecin, reprit « Ah, j'étais fort contente de revoir une personne aimable avec qui je pouvais causer un peu. Cela m'a reporté bien loin, aux heures heureuses. Cela m'a fait revivre un peu le passé, ramené aux années où la misérable malade que vous soignez par charité... Du tout, madame, dites par sympathie, si le mot affection vous semble trop fort pour le peu de temps depuis lequel je suis admis près de vous. Vous êtes bon, docteur. Je dis donc par affection, c'est exact. Ou votre misérable malade, qui gît dans ce grabat, était une femme du monde, belle, heureuse, dont on enviait le bonheur. J'étais très riche, docteur. J'avais un mari beau, intelligent, fort, qui m'aimait et que j'adorais. J'étais mère de deux enfants, deux fillettes, dont l'une, hélas, causait mon seul chagrin, ma seule peine, et payait au destin fatal la pénible rançon qu'il exige pour toute vie heureuse. Robert écoutait avec la plus grande attention la malade qui parlait difficilement, d'une voix lente, affaiblie, à peine perceptible. « Hélas, reprit Madame Ménardier, malgré cette rançon de ma pauvre petite Marie venue au monde difforme, mon bonheur n'était pas assez payé car un jour, le cataclysme survint. On me rapporta le corps de mon mari. Il s'était tué chez son meilleur ami. On dit, et je crois, qu'il avait plutôt été assassiné par cet ami à qui il avait confié notre fortune et que ce bandit avait volé. Madame Ménardier leva la main et s'écria, « Ah, qu'il soit maudit, cet homme !» Puis se reprenant, Madame Ménardier dit, « Pardon, docteur, de m'être ainsi devant vous laissé emporter par mes pénibles souvenirs et par ma soif de vengeance. Oh, ma vengeance! Je n'espère plus qu'en la justice du ciel pour cela, car moi, hélas, moi !» Elle secoua sa pauvre tête maigre et cireuse. Sous la peau parcheminée, le squelette se voyait. Et seul un sourire qui se dessinait malgré les plis de vieillesse et de souffrance, et la flamme qui parfois luisait dans ses yeux si près de s'éteindre, indiquait que ce misérable corps vivait encore et que l'on n'était pas en présence d'une momie. « Mais laissons cela, fit-elle. Je n'ai pas à vous parler à vous, docteur Robert, de ces choses tristes. C'est déjà bien assez pour vous que vous ne soyez pas rebuté par le navrant spectacle que je vous offre. Parlons seulement de l'heure heureuse que cette excellente Madame Laurent m'a fait passer. Je comprends l'enchantement féerique de l'oasis pour les voyageurs qui la rencontrent dans leur course à travers le désert. Évidemment, je suis entouré de braves gens. Cet excellent Fernand, sa femme, me témoigne tant qu'ils peuvent leur sympathie. Mais malgré toute la douceur qu'ils y mettent, leurs encouragements, leurs consolations sont un peu simples et rudes, et je n'en sens que davantage la hauteur de la chute, la bassesse de ma condition et mon malheur. Ah, lorsque j'ai perdu ma fortune, quand tout le beau monde qui venait chez nous eut oublié d'un coup le chemin de ma maison de veuve ruinée, quand les femmes du monde, mes chers amis, m'ont froidement abandonné, j'en ai eu certes grande peine, mais je m'en suis consolé. Je savais que tout cela était tout naturel, qu'il en était toujours ainsi. Dans la ruée du monde, comme dans la poussée de la foule, Il ne faut pas tomber, car ceux qui tombent sont piétinés, sans pitié, écrasés, sans merci. Ceux qui n'ont plus d'argent n'ont pas d'amis. » Robert écoutait gravement, sans vouloir l'interrompre, la pauvre femme qui pour la première fois étalait devant lui toute la rancœur de son âme. Madame Ménardier reprit. « À l'abandon des gens du monde, je me suis faite rapidement, sachant que parmi ces gens tout est parade, tout est pour la surface, que les sourires sont fins, stéréotypés dans un émaillage savant, que pas une parole n'est sincère, que les mains finement gantées qu'on vous tend sont prêtes à prendre ou à repousser, jamais à soutenir, à relever, à servir d'appui. D'ailleurs, je n'ai pas attendu cet abandon du monde. C'est moi qui suis parti, c'est moi qui, pauvre, me suis retiré et, sans attendre sa trahison, ai rompu avec lui. Mais alors, avec la pauvreté, la maladie venue, quand j'ai inspiré la pitié des humbles, la commisération des pauvres comme moi, oh mon ami, si vous saviez combien j'ai souffert. Alors oui, j'ai compris mon écrasement et perdu à jamais toute espérance. Pour moi, je considérais ma vie comme finie depuis mon veuvage. J'étais encore sans âme. Mais je souffrais pour ces deux enfants qui seuls me rattachaient encore à la terre. Je souffrais pour elle qui était appelée à vivre, heureuse, adulée, qui devait voir chaque jour de leur existence de fête commencer par une aurore radieuse et finir dans une apothéose de crépuscule d'or. Je m'étais rayé du monde, moi, mais mes enfants allaient être au service de ce monde. Elles allaient travailler pour vivre. L'une entrait dans un magasin de couture, l'autre, l'infirme, peignait des éventails, des boîtes de bonbons, des cartes postales. Et voilà de quoi elles devaient vivre, et avec quoi et comment il leur fallait seules, sans appui, exposées à mille dangers, affronter la vie de Paris. Certes, le travail est béni, honorable, et il sanctifie les mains, dit le livre des prophètes. Mais ma pauvre Marie est infirme, elle est si faible, et Marirette est si jolie. C'est un bijou, non un instrument de labeur. Ah, mes enfants, qui deviez être riches, entourées, heureuses, mes chères petites, que deviendrez-vous ? Madame Ménardier essuya ses yeux. Dans ma détresse, il y eut un rayon de soleil, d'espoir, quand le docteur Robert a franchi mon seuil, madame. Il y eut un second jour heureux quand madame Laurent est venue, tantôt, me dire, « Madame, soyez désormais sans inquiétude sur le sort de Rirette et de Marie. Riri a rencontré en moi une amie sincère, qu'il aime beaucoup. Je n'ai pas d'enfant, et tout mon amour maternel trouvera à s'employer pour chérir Riri comme elle le mérite. Désormais, vous devez quitter toute appréhension, tout souci de l'avenir. En moi, en mon mari, en ceux qui nous entourent, vos enfants vont trouver de bons et braves amis, des appuis, des défenseurs. Elles ne sont plus seules dans la vie. Elles ont conquis par leur charme, par leur vertu, par leur amour filial, une nouvelle famille. C'est bien. Oui, c'est bien, murmura Robert. Ah, docteur, si vous saviez quel baume ces paroles faisaient couler dans mon cœur. Et moi qui commençais à douter de Dieu, j'ai remercié la Providence d'avoir d'abord envoyé chez moi le docteur Robert pour me faire revivre, pour me donner la force de voir mes enfants connaître un peu le bonheur, de savoir que désormais, confiante, entourée d'affection, gardée contre la pauvreté, garantie contre Paris, elles allaient vivre leurs 20 ans, goûter leur printemps et sourire enfin cette vie où tant de peines, tant de larmes furent la part de leur mère. « Croyez, madame, dit le docteur Robert, que madame Laurent, dont j'apprécie le cœur et la belle âme, en vous faisant ces bonnes promesses, n'ait fait que vous dire avant nous ce que mon frère Raoul et ma sœur Raymond avions depuis longtemps décidé. Oh, merci, docteur, je savais que votre bonté ne s'arrêterait pas à moi. Ma sœur connaît aussi Rirette. L'intérêt qu'elle lui témoigne s'est changé en affection quand elle a su par moi quelle fille elle était et quelle mère elle avait. Oh, docteur !» Je ne pouvais, moi, garçon, vous dire cela, mais mon brave ami Fernand devait vous en faire part. Docteur, puisque nous parlons de cela, laissez-moi vous faire un aveu qui vous montrera que je vous avais pressenti. Je sais que malgré votre science, malgré vos bons soins, mes jours ne peuvent être nombreux maintenant. Espérez, madame, j'avais résolu, quand j'aurais senti la mort prochaine, j'avais résolu de vous dire, docteur Robert, je vais mourir. Mais je veux, avant de m'en aller retrouver leur père, vous confier mes 2 enfants. Docteur, voulez-vous me remplacer auprès de Marie et de Riri ?» Le docteur prit la main de la malade. « Vous étiez sûre de la réponse que je devais vous faire, n'est-ce pas, madame ?»« Oui. » »« Et c'est pour cela qu'avec confiance, je remettais en vos mains le sort de mes enfants. Merci. » « C'est vous, docteur, qui me dites merci. Mais alors, que ferais-je, moi ? Il ne me reste plus de moyen de vous montrer ma reconnaissance. » « Si, madame, en me secondant, en me montrant que mes soins vous sont profitables, en revenant au plus tôt à la santé. Ah, docteur, cela ne dépend pas de moi, et cela ne dépend même plus de vous. » Cette longue conversation avait accablé madame Ménardier. Elle serra la main de Robert longuement, affectueusement, puis, en lui souriant encore, elle se laissa retomber sur les oreillers que Marie Labosscotte, entrée depuis un moment dans la chambre, disposait doucement derrière sa tête.